Séance d'harmonisation. Je vais vous proposer de vous asseoir à un endroit qui est calme, un endroit qui est propice à l'intériorisation pour les prochaines minutes. Puis je vais vous suggérer également de fermer les yeux pour être pleinement disponible à votre intériorité. Ensuite, je vais vous proposer de prendre de grandes respirations pour vous amener dans un état de calme et de détente. Ensuite, la séance d'harmonisation commence. Elle s'appuie sur le principe qu'on peut harmoniser différents éléments qui composent notre corps biologique, notre existence, et que la volonté individuelle permet de générer une puissance harmonisatrice si elle est canalisée d'une manière adéquate. Tout d'abord, j'investis ma parole volontairement d'énergie éthérique harmonisatrice. L'énergie éthérique est celle qui se rapporte à l'être dans la globalité, ce que je suis sur le plan de l'énergie au-delà du corps biologique. Je décide maintenant d'harmoniser le son de ma parole à l'énergie éthérique pour que chacune des phrases, des énoncés également qui seront prononcés dans les prochaines minutes soit investie de cette énergie qui vise à harmoniser différents éléments à un état de plénitude, de présence et également de lumière et de vitalité. J'harmonise mon corps biologique dans sa globalité. J'investis mon corps subtil de paix, de lumière. J'investis mon corps physique de ses éléments. J'investis mes cellules de vitalité. J'investis mon ADN, mon code génétique, d'une énergie régénératrice pour favoriser son ordre, sa cohérence. J'investis de conscience mon corps de lumière à la totalité de ma structure psychique. Je vise à harmoniser mon aura à l'énergie intrique pour que tous les éléments qui peuvent s'y trouver, que ce soit par rapport à des croyances, des préjugés, que tous les éléments qui peuvent faire interférence à la libre circulation de l'énergie en moi et à l'activité intellectuelle et psychique soient neutralisés par l'énergie éthérique, soient harmonisés à cette énergie, soient englobés par elle pour que ces éléments qui pouvaient faire interférence jusqu'à présent à la libre circulation d'énergie, soit à présent converti en énergie fluide. J'investis ma conscience pour qu'elle soit dans un état de paix durable, de paix profonde, et qu'elle soit dans un état tel qu'elle ne serait être améliorée. J'harmonise ensuite toute la dimension émotionnelle qui se rapporte à mon existence. Donc, je pacifie avec ma présence de conscience maintenant mon corps d'énergie où sont vécues les émotions. Je pacifie l'activité psychique. Je me donne le droit de ralentir le flux de la pensée dans ma psyché au besoin lorsque je sens, par exemple, dans mon quotidien qu'elle devient déstabilisante. Je me donne le pouvoir de vivre au ralenti si j'en ai envie. Je me donne le pouvoir de vivre à mon rythme. Je me donne la capacité de décréter le droit au bonheur immédiat et immérité dans mon existence, ici et maintenant. Je génère maintenant la stabilité de mon système nerveux. Je visualise le corps biologique vu de l'intérieur. Donc, je vois les différents nerfs. Je vois également là, des réseaux de neurones dans le volet de mon cerveau qui vont acheminer des informations aux différents membres de mon corps. Et je visualise que le fonctionnement de mon système nerveux est optimal. Je visualise que ma conscience procède maintenant à un balayage énergétique où chacune de mes cellules corporelles sont ressourcées, sont régénérées, sont investies d'une présence lumineuse, bienheureuse. Je visualise que le bonheur s'installe dans mon organisme, donc à travers mon ADN, mes cellules et également l'activité cognitive. Je génère maintenant la souveraineté de ma psyché. Je me reconnais comme étant être et j'investis de l'énergie de l'être que je suis. Mes paroles, mes actions, ma façon d'appréhender la réalité. J'harmonise également, en utilisant une intention de conscience, les gens avec lesquels que j'interagis pour qu'au moment où je procède avec eux à des interactions dans mon existence, que ces interactions me soient favorables. Que ces interactions se fassent dans la paix, le calme, et que ces interactions soient investies de la plénitude de l'énergie étrique. Ensuite, j'harmonise mon corps biologique à la lumière de l'environnement que je peux capter, intercepter, un peu comme si j'étais une plante qui se nourrit des rayons du soleil. Donc, les plantes et les végétaux vont procéder à de la photosynthèse et je me donne le droit de concevoir ma peau comme étant un lieu où les rayons nourriciers de la lumière du soleil vont favoriser mon organisme, ma santé, alors que ma peau les absorbe. D'ailleurs, j'investis de conscience chacune des cellules qui composent ma peau et je lui ordonne d'absorber de manière adéquate les rayons du soleil pour favoriser ma santé et également son équilibre. Je bénis la force équilibratrice de ma conscience pour m'amener à voir avec clarté les éléments qui ont à être ajustés dans ma vie et avoir l'intelligence de poser les actions adéquates pour procéder aux ajustements requis. Je bénis l'intelligence cosmique pour qu'elle me donne accès à une compréhension immédiate et instantanée à tout ce que j'ai besoin de savoir dans le ici et maintenant pour me maintenir et m'entretenir dans un état de paix psychique permanent. Je m'harmonise maintenant à l'intelligence créative, l'intelligence qui génère des formes dans l'univers, qui crée des concepts, des idées, pour que ma vie soit créative, que ma vie soit agréable, et que mon existence soit le lieu au déploiement d'une créativité perpétuelle qui va permettre un renouvellement continuel de mon être et aussi de me donner l'inspiration requise pour composer avec le quotidien de manière à ne pas me laisser déstabiliser par lui. Autrement dit, je bénis l'accès à des ressources infinies d'intelligence pour faire face aux contrariétés du quotidien, aux oppositions advenant qu'il y en ait. Bien entendu, en tant que volonté, je vais bénir pour que mes interactions avec les gens, les situations, les événements soient ajustées. Et s'ils ne le sont pas, eh bien, à ce moment-là, parce qu'il y a des facteurs qui nous échappent dans la vie, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre disponible à la présence de l'esprit pour m'instruire des moyens d'équilibrer, d'ajuster les situations qu'ils doivent l'être dans mon existence. Ensuite, je bénis l'amour de l'esprit. Je bénis l'amour de moi-même. Je bénis l'amour éthérique que je peux connaître dans mon existence pour vivre cet état agréable, cet état qui permet de vivre un état de plénitude dans l'existence. Ensuite, je vais faire du balayage corporel. Tout d'abord, j'investis de lumière mes pieds. Je suis présent à mes pieds et je suis à l'écoute des intuitions que je peux recevoir en lien avec eux. Ensuite, je suis disponible aux genoux. J'investis mes genoux de la présence éthérique. Je les bénis. Et ensuite, la même chose pour les cuisses. Ensuite, je remonte en utilisant ma conscience, mon corps biologique pour bénir mon organe sexuel. Ensuite, mes intestins, mes reins. Investir ensuite mes poumons de lumière. Même chose pour le cœur. Investir de présence mon cœur pour qu'il bat à un rythme adéquat. Ensuite, j'investis de lumière ma gorge, ma bouche, mon nez, mes yeux. Ensuite, j'investis de conscience régénératrice les deux hémisphères de mon cerveau, l'hémisphère droit et ensuite l'hémisphère gauche. Ensuite, je vais investir de conscience mes épaules, mes coudes, mes mains, mes doigts. Et ensuite, je me rends disponible pour que la conscience m'informe si j'ai à apporter des ajustements dans ma vie pour favoriser le fonctionnement optimal des différents organes qui compose mon corps biologique, que ce soit de la tête aux pieds. Et présentement, je me rends disponible et j'écoute si une intuition émerge en moi, une intuition éthérique pour m'aviser, me renseigner de quelque chose que j'ai à ajuster. Et là, j'observe si, en me rendant disponible à l'être, il fait émerger en moi une information particulière pour favoriser la santé de mon corps biologique. Et là, des choses peuvent émerger. Dans mon cas, il émerge l'idée de manger de la nourriture en moins grande quantité, d'être plus présent à ce que je mange, de moins manger avec les émotions, de moins manger en réaction aux tensions qui sont véhiculées de par des vidéos d'Internet visionnées, de rester dans mon calme, de ne pas prêter trop attention aux vidéos qui véhiculent de la peur sur le plan vibratoire derrière des propos tenus à la fois par des médias alternatifs et à la fois par les médias officiels. Ça me dit intérieurement de me rendre disponible à l'énergie de l'être qui va me nourrir. Il peut émerger à travers de chacun différentes informations pour favoriser la santé. L'essentiel, c'est de s'y rendre disponible. L'une des façons de le faire, ça peut être de faire une visualisation créatrice à haute voix qui vise l'harmonisation du corps biologique en utilisant une intention de conscience. Je génère la paix dans ma psyché et la maintiens en dépit de ce qui arrive dans mon environnement. Je génère la beauté dans ma conscience et le sentiment de plénitude. J'agis avec justesse pour préserver la paix dans ma vie. Je manifeste et installe en moi la lucidité et j'amplifie la puissance de mon centre de gravité permanent. Je me branche et je reste branché à un éther de liberté et à la dimension cosmique de mon être. J'assume pleinement et consciemment la liaison de ma conscience à un champ d'énergie multidimensionnel et nourricier qui travaille chacune des cellules qui composent mon être du dedans. J'assume ma liaison psychique au champ quantique universel de manière à réaliser que ce champ va m'influencer, mais qu'en même temps, je peux l'influencer de par ma capacité d'y commander. Je réalise que ma volonté est une force à qui a un pouvoir d'agir sur l'univers. Ma volonté est capable de véhiculer de l'énergie dans le cosmos. Ma volonté est capable d'interférer avec mon corps physique, mon corps biologique, les gens de mon environnement et tout ce que j'observe et que je constitue dans le champ de ma conscience, que je constitue dans le champ de la conscience, qui est en réalité un champ quantique. J'observe que je peux orienter l'énergie à travers ma parole, à travers mes actions, à travers ma façon d'interagir, donc mes interactions. Je réalise que je peux être un vecteur d'énergie, de lucidité dans ma vie, de bonheur. Je réalise que je peux me donner à vivre à tout moment le bonheur en le décidant. Je réalise maintenant que j'ai tout intérêt à m'harmoniser à l'être. C'est ce qui va compléter maintenant cet enregistrement qui a pour but de favoriser l'harmonisation. Et je vous remercie de votre écoute. Donc, pour les gens qui sont rendus à ce moment, donc vous en avez écouté une bonne partie. Et je vous remercie de votre présence, puisque votre présence soit porteuse d'harmonie.